C'était le milieu de l'hiver. Les flocons descendaient du ciel comme des plumes. Une reine cousait, assise devant une fenêtre encadrée d'ébène noire. Comme elle regardait les flocons, elle se piqua le doigt avec son aiguille. Trois gouttes de sang tombèrent dans la neige. Ce rouge sur la neige blanche lui parut tellement beau qu'elle se dit « Je voudrais une enfant aussi blanche que la neige, aussi rouge que le sang et aussi noire que le bois de cette fenêtre. » Peu après, la reine eut une fille aussi blanche que la neige, aussi rouge que le sang et aux cheveux aussi noirs que l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Hélas, la reine mourut en mettant l'enfant au monde. Une année passa. Le roi prit une autre épouse. C'était une femme très belle, mais fière et orgueilleuse, qui ne pouvait supporter d'être dépassée en beauté. Elle possédait un miroir magique. Elle aimait s'y contempler et lui demander « Miroir, joli miroir, qui est la plus belle de tout le royaume ?» Et le miroir répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle de tout le royaume. » À ces mots, le cœur de la reine devenait plus léger, car elle savait que le miroir disait la vérité.